En direct de votre oreille gauche jusqu'à votre oreille droite, c'est le poste d'écoute. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, comme toujours, plein de variétés musicales, plein de styles différents à vous faire entendre, en déballant ces CD, en les écoutant avec vous là. On va découvrir plein d'affaires. C'est ça qui est le fun dans le poste d'écoute. On va entendre entre autres des choses que vous ne connaissez pas peut-être, comme Early Graves et Jamie Liddell. On va commencer avec le nouvel album de la formation Near the Parenthesis. Voici, elle s'appelle L'Exemple, premièrement, et la pièce s'appelle Modernisme, ça commence maintenant dans le poste d'écoute au 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. La musique de Near the Parenthesis, le nouvel album s'appelle L'Exemple. On vient d'entendre la pièce Surda's Plaint, précédée de Modernisme. Near the Parenthesis, qui est un groupe d'électronica ambiant IDM de San Francisco, en Californie. Vous pouvez aller voir le neartheparenthesis.com ou encore myspace.com/Near the Parenthesis. Beaucoup de membres dans le groupe AEM, Arc Lab, Arrow Vein, Album Leaf, Autocray et un paquet d'autres. Donc, allez voir sur leur MySpace pour la suite et puis pour écouter les pièces de leur album le plus récent qui s'appelle L'Exemple. C'est la suite de leur précédent album qui est sorti en 2007, Of Soft Construction. Voilà, donc il y a un beau petit résumé sur l'album, j'avais pas vu ça. C'est bon. On continue avec la musique de Jamie Liddell ou Liddell. En fait, c'est deux EP qu'on a reçus de deux pièces chaque. Un avec Another Day et Figure Me Out. On va écouter les deux de suite. Et après ça, il y a Little Bit of Feel Good Radio Edit. Et puis, il y a aussi un remix, mais on ne l'entendra pas aujourd'hui. Donc, commençons avec Another Day Radio Edit dans le poste d'écoute au 89.1 FM. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois, tous ensemble. Another day, another way for me to open up to you. Poste d'écoute. No time, thought there's a world. to me so sweet. You figured me out, you're shaking the dot. So won't you tell me what I'm all about? Please, oh, oh, please. If I'm easy to read, won't you tell me what I need? Cause I'm down on my knees, begging the baby. Please, oh, oh, please. We're hypnotized by this world. Jamie Lydell avec Little Bit of Feel Good Radio Edit de son EP. A Little Bit of Feel Good. C'était précédé de deux pièces de son EP Another Day. On a commencé avec Another Day Radio Edit. Et ensuite, c'était Figured Me Out LA Garage Mix. Donc, trois pièces de Jamie Lydell qui fait du soul pop electronica. Il vient de Berlin en Allemagne. Il était au festival Oceaga à Montréal le 4 août dernier. Il y a seulement Jamie dans le band, donc c'est lui tout seul. MySpace.com/JamieLydell ou encore JamieLydell.com. Les liens sont comme toujours sur le www.unechance.com. C'est le site de l'émission. Vous pouvez retrouver tous les liens de tous les artistes de la semaine et télécharger la balade de diffusion. C'est le www.unechance.com. L'album de Jamie Lydell s'appelle Jim. C'est en magasin maintenant. Il y a aussi Another Day qui est sorti le 16 juin selon son MySpace. On continue avec un autre style de musique complètement différent. Ça varge beaucoup plus que ce petit pop bonbon de Jamie Lydell. On va entendre la formation Early Graves. Leur album s'appelle We the Guillotine. Et tout de suite, voici Ballistics dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Ouais, super bon là, super. Peut-être pas le matin par exemple. Je regarde ça puis des fois ça arrive que tu sais les tunes pas tellement matinales ça. On va l'entendre à la place Amos Lee, son album s'appelle Last Days at the Lodge et tout de suite voici la pièce Listen dans votre poste d'écoute et faites comme si de rien n'était avec l'ancienne la pièce que j'ai jouée avant. Voici Amos Lee dans le poste d'écoute. Listen to them church bells ringing, listen. Listen, you can hear them hounds calling off in the distance. You listen, you can hear the engines stalling. You can hear the angels falling. I travel. Men and women all have trouble. If you travel, you will find it for the poor, or victims of the gun or gavel. If you travel, but be careful now. Be careful of them folks out there who surround you. Plus de Amos Lee au retour dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Been some time since the first night I saw you. Had some good and had some bad times since then. And through all these moments that I've gotten to know you, I realize now that I wanna be a little bit more than your friend. And I wanna stay for a while. Oh, we can talk about it all. I wanna know, 'cause this feeling won't let me go. Stood around while you dated that old fool Marcus. Whole time I knew he wasn't no damn good for you. Well, yes, it's true. Sometimes I know that we can all be a little heartless. But tonight, all I wanna do is make sweet love to you. And I wanna know if you wanna get together, stay for a while. We can talk about it all. I wanna know, 'cause this feeling won't let me go. Well, all those wasted nights you spend, well, just crying all those tears. Poste d'écoute. Baby, I want you. Baby, I want you. Baby, I do. Darling, I love you. Darling, I love you. You know that it's true. Don't leave me here out on my own. Don't you know how I hate to be alone? I just wanna be a part of your home. Baby, I do. Darling, I love you. Darling, I love you. Know that it's true. Don't leave me here out in the cold. Don't you know that it's your head? As these days fly past and unfold, baby, I do. Darling, I love you. Darling, I love you. You know that it's true. Jamie, non, mais non. Hey, mostly. Pas très bon aujourd'hui, moi. Hein? Et aussi avec la pièce Baby I Want You, précédée de Won't Let Me Go et de Listen, c'est bien son album Last Days at the Lodge. Parlons un peu de Amos Lee. Il fait du folk blues soul. Il vient de Philadelphie aux États-Unis. myspace.com/AmosLee ou encore amoslee.com. Il est en spectacle un petit peu partout aux États-Unis en ce moment. Allez voir sur son MySpace. Passez par le site de l'émission. Passez par lunechance.com si jamais le lien vous intéresse. Mm-hmm. On va continuer avec la musique de Tim Vaughan. Son album s'appelle Two Tone Blue. Il y a une guitare, je crois, sur son album, donc ça pourrait être quelque chose de dans le même genre que Amos Lee, qui a aussi une guitare sur son album. Donc le voici avec la pièce I Can't, tout de suite dans le Poste d'écoute. Au 89.1 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Can't be true. Poste d'écoute. My mental health, still I can't, and I guess I can't complain, but what I can obtain, still I sustain, so I remain just the same, as I felt the day before, and I keep that in my mind, no matter what's in store for tomorrow, is another day, until then I keep singing these blues away, just the same, as I felt the day before, and I keep that in my mind, no matter what's in store for tomorrow, is another day, until then I keep singing these blues away. You don't know, so you think that's all that we got these days. It's hard to recognize the ways we keep on treating each other, but it's not right, so all we can do is try, change directions, turn the pages, will get you by. Not too high, keep my feet still firm on the ground. Beat me down, knock me around, I'll remain just the same as I felt the day before, and I keep that in my mind, no matter what's in store for tomorrow. Is another day, until then I keep singing these blues away, just the same the day before, and I keep that in my mind, no matter what's in store for tomorrow, is another day, until then I keep singing these blues away, I keep singing these blues away. We'll be right back.

Tim Vaughan avec la pièce All She Knows, précédée de Just the Same et de I Can't, de son nouvel album Two Tone Blue, dans le poste d'écoute. Donc, parlons un petit peu de ce Tim Vaughan qui fait du funk, new jazz, R&B. Il vient de Saskatoon en Saskatchewan. Sinon, ah ben oui, ah, c'est beau quand ça arrive, ça. Ça va très bien techniquement aujourd'hui, c'est vraiment la technique qui est mon fort aujourd'hui. TimVaughanMusic.ca ou encore MySpace.com/TimVaughanMusic, membre du band de Sarah Mitchell à la flûte, Claire Anderson à la trompette, Emmett Van Etlin, oui, Etten à la batterie, Finlay Wiggins, et, Ryan Marshall et Tim Vaughan finalement. Donc voilà, allez voir le lien sur le www.unechance.com, c'est le site de l'émission, vous pouvez retrouver tous les liens des artistes d'aujourd'hui et en même temps aller télécharger la balado-diffusion. Je rappelle l'adresse www.unechance.com. On termine cette première heure avec la musique de Gianna Lauren. Son nouvel album s'appelle Fist in a Heart. On va écouter la pièce Blueberry Fields, on écoutera d'autres pièces si c'est assez bon, juste après au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Oh oui. The all-encompassing of my more blueberry fields, worn and tired, sore feet from the journey. So changing environment, I wish to change to anyone else except myself, and if a broken heart can clear to move faster, I'm packing up, moving on, got dust all over my fingers. You cheat yourself, not me, no, but I say deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois. En même temps que vous, je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, il va y avoir du francophone, entre autres, avec la formation Chinatown et leur album L'amour, le rêve et le whisky. Seulement 4 pièces, c'est un EP. On en parlera tantôt. Mais avant ça, on était en plein milieu de l'écoute de l'album de Gianna Lauren qui s'appelle Fist in a Heart. Voici The War of Love and Numbers dans Poste d'écoute. Au 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Le poste d'écoute. Diana Lauren avec la pièce Thinking with Fragility, précédée de The War of Love in Numbers. Et la première pièce, Blueberry Fields, c'est sur le nouvel album, donc Fist in a Heart, je le répète encore. Diana Lauren, qui fait du folk rock indie alternatif, elle vient d'Ottawa, en Ontario. Allez voir le myspace.com/Diana Lauren ou encore dianalauren.ca. Si vous ne savez pas comment l'appeler, passez par le site de l'émission, c'est toujours plus simple, au unechance.com. Les membres sont Diana Lauren à la guitare jazz, guitare acoustique, clavier et voix. Et il y a aussi Daniel Lalonde à la basse électrique et double basse, Matthew Cosgrove et René Leduc au violon. Auteur, compositeur, interprète né à Ottawa, qui joue de la musique folk rock douce avec son frère Dan, son bon ami Matt, Fist in a Heart et son premier album, mettant en vedette 8 chansons atmosphériques avec instrumentation et voix chaude. L'album a été enregistré pendant 1 an au Gallery Studio d'Ottawa. Voilà. On passe à du francophone, l'album de Chinatown. J'arrive pas de dire album quand c'est un hippie, un maxi de 4 pièces qui s'appelle L'amour, le rêve et le whisky. On va entendre les 4 pièces, je pense. Prévision. Je sais pas, tu sais, on l'a pas écouté d'avance, c'est un petit peu le but du poste d'écoute, mais ça sonne bien dans les premières secondes que j'ai entendu. Donc voici tout de suite Penelope dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à C'est Fou 89.1 FM. Jamais d'ennui, plus jamais. je ferai de la pop et nous deviendrons riches. Vivre de paresse, vivre sans adresse, vivre de l'amour.

La formation Chinatown avec la pièce La Vrille, précédée de Tour Assassine, de Secousse et de Pénélope. Ça vient de leur EP qui se nomme L'amour, le rêve et le whisky dans le poste d'écoute. J'ai adoré ça, Chinatown, très très bon. Les deux premières pièces, j'étais pas certain, mais les troisième et quatrième m'ont vraiment accroché. Donc Chinatown, c'est merveilleux. C'est du pop rock healing and easy listening selon leur MySpace au myspace.com/Chinatown Franco. C'est un groupe de Montréal, composé de Félix Tronton, de Pierre-Alain Faucon, de Julien Fargo, Gabriel Roussa et Tommy Caillouette. Leurs influences sont Belen Sebastian, Serge Gainsbourg, Flaming Lips, Léo Ferré, Lerita Mitsuko et plein d'autres. Donc, résumé sur leur MySpace, Chinatown, c'est l'association de 5 musiciens de tous les coins du rock et de tous les coins du monde, France, États-Unis, Nouveau-Brunswick et Ontario, qui se sont réunis pour un même but, changer le paysage de la chanson pop francophone au Québec. Rien de moins. En effet, Félix Diot, de la formation The Undercovers et Stomp All Stars, Pierre-Alain Faucon, de l'album solo générique, Julien Fargo de Motel, Gabriel Rousseau de Camaromance et X's and O's, et Tommy Caillouette de Statue Park roulent leur boss depuis près d'une décennie et forment depuis 2006 un groupe prometteur aux accents orchestraux, rappelant autant la pop française des années 60 que le rock indépendant actuel. Chinatown a connu le début de son ascension en voyant sa composition Retour à Vega sur la bande sonore du film... regardez-moi donc ça, toi! Retour à Vega, ça vient pas de la formation de Stills, ça? Donc, probablement que les gars de The Stills se sont refaits en Chinatown, ce qui n'est pas mentionné jusqu'à maintenant dans la biographie, bizarre. La pièce Retour à Vega était sur la bande originale du film MGM Wicker Park. Donc, elle s'est hissée au palmarès des radios universitaires américaines avec l'interprétation qu'en a livré le groupe de Stills. Bon, voilà, fallait lire le reste de la biographie pour se rendre compte de ce que ça dit, ces affaires-là. C'est bien de pas savoir à l'avance. Donc, le simple, bien que francophone, a été lancé par Atlantic Records et a connu un succès considérable aux États-Unis et un nombre record de téléchargements sur plusieurs sites Internet. Ils ont par la suite enregistré dans une chambre à coucher un démo de 4 chansons, mais Long Beach, qui a vite été remarqué par l'équipe de l'émission Fréquence Libre. Radio-Canada les a ensuite invités à 2 reprises à parler de leur projet en ondes. Ensuite, grâce à un effet de bouche à oreille, les chansons Tour Assassine et Melon Beach se sont retrouvées tour à tour en première position des tops CISM et CIBL. Tout c'est fou, on suit pas ça, ces modes-là, on dirait. En juin 2006, on retrouve Tour Assassine au numéro 6 du top 10 radio de Baromètre et en position 27 au top 50 CISM de l'année 2006 au complet. Nous, ça nous a passé par le sol à terre. La compilation J'aime CISM les invitera également à y mettre la pièce. Le quintet se produit depuis 1 an dans les salles les plus réputées de Montréal, telles que le Club Soda, le Main Hall, le Café Campus. Chinatown entamera en mars, ou a entamé en mars, oui, une tournée en Chine et ils préparent leur retour, le lancement de leur second EP, L'amour, le rêve et le whisky, ce qui est déjà fait, biographie pas à jour, mais bon. Chinatown avec leur EP maxi qui s'appelle L'amour, le rêve et le whisky, c'est ce dont on parle. Allez voir le myspace.com/Chinatown Franco, moi j'ai bien aimé, c'est pas mal ce que j'ai aimé le plus jusqu'à maintenant. dans l'émission Le Poste d'écoute de cette semaine. On continue avec une formation qui s'appelle The D.B. Buxton Review. Leur EP s'appelle No Review, et quand on parle d'EP, on parle d'album avec seulement que quelques pièces. Celui-ci en a 7. Mm-hmm. On les écoutera évidemment pas au complet, mais on commence avec la pièce Now That I'm Free. Dans Le Poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois. En même temps, vous, et c'est fou, on ne reçoit pas tous les CD du monde. Hein. Juste pour vous dire, quand il y a des choses qui ne jouent pas, c'est parce qu'on les a peut-être pas reçues. T'sais? Ça arrive. C'est plate. I didn't come to you from New York City. Mais ça arrive. My clothes are new, my smile is pretty. Hey, well, my clothes are new, my smile is pretty. My hometown, it doesn't take no chances. East and Spence never sings or dances. Why the valley ever sings or dances? Why do you think I'm everything you never thought that I could be? I'm everyone to me that you knew what I fear. Now you think you want me, you're too late, I see. Tonight to kiss your faces. Only came to put you in your places. Only came to put you in your places. I'm so sick of all your fucking faces. I used to think I wanted all your sympathy. I used to think I needed you to cheer for me. Now you think you want me, you're too late, I see. And I'm smiling. Now we're poste d'écoute. When she's not sober, she drives over and she wants a new line. I'm not pure, but I'm sure that it's bad for her mind. She gets high, close to mark, and then she walks on behind. You won't say how you feel, but I know it's not fine. Sex with my ex. I keep having sex with my ex. Sex with my ex. I keep having sex with my ex. Sex with my ex. Ow! When you're not sober, he comes over. It's bigger than mine. I'm not there, so it's fair, but it's bad for my mind. He's a creep, I'm a slut, you're a bitch, he's a whore. That's okay, it's a game I don't play anymore. Sex with your ex. Sex with your ex. Sex with your ex. You keep having sex with your ex. Sex with your ex. Ow, yeah. Start to unwind. Who's to blame? There's no shame between causes and crime. Sex with our ex. We keep having sex with our exes. Sex with our exes. We keep having sex with our exes. Sex with our exes. just too tired of being played after a win last night. In that night when we wasted all we won, and I fell to the shine, so it made me blind. Then I thought I finally felt mine. Oh, we lay for a while, but I'll never take you all the way. We'll never get to see that. Just break it off as friends. I'm not yours, you're not mine. You won't fall, but I can't climb. Climb. The DB Buxton Review avec leur EP qui s'appelle No Refund. On vient d'entendre la pièce All the Way, précédée de Sex with My Ex, de Nine Years Old et de Now That I Am Free. C'est les quatre premières pièces de leur maxi qui en comporte sept. Mm-hmm. Donc, The DB Buxton Review, un groupe de New Wave Rock Neo Soul selon leur MySpace au myspace.com/DB Buxton. Ils viennent de Edmonton en Alberta. Les membres sont Daniel Benjamin Buxton, Samantha Kay, Grant Dryden et Jenny Roberts. Ils ont commencé en 2007. Voilà, ils travaillent fort. Ça fait 12 ans qu'ils jouent professionnellement. Oui. Voilà, non, leur album date de 2007. Hein? Date de 2007. On vient de recevoir ça, nous, puis ça date de 2007. En tout cas, peu importe, les faits sont tout mélangés sur leur MySpace. Allez voir lunchance.com pour suivre le lien et vous renseigner à la place d'écouter mes niaiseries. On va continuer avec l'album The Unknown de Mark DeYoung. C'est du jazz, parce que son adresse MySpace, c'est myspace.com/jazz Mark DeYoung. On commence avec la pièce Paris of the Prairies dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois. Je sais vraiment pas ce qui s'en vient. Et pour avoir la preuve, il n'y a qu'à m'écouter à C'est fou 89 FM. Ouais, c'est ce que vous faites. Ouais, cool. We'll be right back. poste d'écoute. The Young et People Will Say We're In Love, précédé de Paris of the Paris, de son album The Unknown, dans le poste d'écoute. C'est du jazz acoustique expérimental, Mark DeYoung. Vous allez voir le myspace.com/jazzmarkdeyoung ou encore stevehudsonmusic.net. Apparemment, ils travaillent ensemble. En fait, c'est le gars qui fait le piano. Mark DeYoung est au tenor sax. Jerome Jennings à la batterie. David Freeman à la percussion. Et Mike Nordy à la basse. Mm-hmm. C'est pas mal tout ce que je vois sur son MySpace. Je rappelle l'adresse myspace.com/jazzmarkdeyoung. Ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. C'est là que vous allez retrouver tous les liens de tous les artistes de l'émission. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre live les vendredis matins, le prévisionnel. Comme ça, je tape les choses telles qu'elles sont prévues dans l'émission. Donc, suivez avec nous au unechance.com. Il y a aussi la balado-diffusion à télécharger en MP3 chaque semaine. On passe à un groupe qui s'appelle Human Highway. Oui, l'album s'appelle Moody Motorcycle. Et tout de suite, voici la pièce The Sound au 89.1 FM. Mais c'est fou, ça, dans vos oreilles. Got nothing left, but it ain't bringing me down. I'm just gonna follow the sound. Got nothing left, but it ain't bringing me down. I'm just gonna follow the sound. Oh, oh, oh. And the sound is pleasing when it sounds like it's breathing. There's no one around to hear the notes falling down. Nobody seems to care. The feeling isn't there. Like it was all a bad dream. Now we're looking everywhere. You keep searching. You keep on searching. You're searching. Avec The Sound de leur album Moody Motorcycle. C'est la fin de la deuxième heure du poste d'écoute. On va avoir d'autres pièces de Human Highway dans la troisième heure, ainsi que Alina Manera avec son nouveau EP. On va entendre plusieurs pièces de ça et du rap et d'autres choses qui s'appellent Use Every Part of the Deer. Ça a l'air assez étrange comme nom. Tout ça dans la troisième heure du poste d'écoute. Mais avant, voici Human Highway et All Day. Au 89 FM, restez avec nous, c'est le poste d'écoute. Got no worries, let the day waste away. Hey. Qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, c'est Mathieu Plante. Dans cette dernière heure, il va y avoir tellement de styles différents là, que vous allez trouver ça vraiment bizarre comme transition. Il va y avoir du rap, mais on commence avec quelque chose de bon. Là. Genre, je sais pas, il y a de la guitare, en tout cas, ça je le sais. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la première pièce qu'on a entendue tantôt. C'est la formation Human Highway. Leur album s'appelle Moody Motorcycle. Et tout de suite, voici une deuxième pièce de leur part. Une troisième pièce de leur part. Oui, troisième pièce. Voici Get Lost dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Troisième pièce. C'est la troisième. Un, deux, trois. All these foods I've made up till the real ones all taste rotten. I know the bugs don't care that I sit and I stare, but I wouldn't want the little guy to go away. I wait too long and then the feeling's all gone. Sleep talking, no words come out your mouth. You'll see token, the face north, but your brain's gone south. You're in black holes and there's nowhere to go. You can scream all you like, but it won't change tonight, 'cause you're sleeping. Dreaming again, lying in bed. Your movement is minimal. Now you're leaving your bed, got ideas in your head. But if they remain a dream, you know it's criminal. Talking de la formation Human Highway dans le poste d'écoute. Juste avant, c'était la pièce One World et Get Lost. Enfin, on a joué 5 pièces de leur album Moody Motorcycle. J'ai bien aimé, moi. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait jouer 5. Je me suis gâté un petit peu. On a le temps en masse aujourd'hui. On n'a pas tant de nouveautés que ça. Donc, Human Highway, qui est un groupe composé de Jim Guthrie. Sûrement qu'ils ont certains de ses amis l'appellent Jimmy. Et Nick Thorburn, ensemble, ils ont écrit un classique instantané, l'album Moody Motorcycle, dit leur MySpace. Ça sort le 19 août prochain sur Suicide Squeeze Records aux États-Unis et sur Secret City au Canada. Donc, allez voir myspace.com/humanhighway. C'est leur MySpace avec plein de pièces à écouter. J'aime beaucoup. Je rappelle le nom de l'album, c'est Moody Motorcycle. On passe à Alena Manera qui nous envoie son EP promo. On va l'entendre les premières pièces. Il y en a 5 sur son EP. On va commencer par Patchwork tout de suite. Dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM, on découvre toutes les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois à vie. Chords and this melody of all I have. The honesty, it still writes the same. Heaven knows all the hell you put up with. Sometimes my pseudo-intellectualism fails to do the trick. But you seem to like me anyways, even though I'm not as well read as I make myself out to be. That's our patchwork kind of loving, hey, hey. We can write each other poems while sitting in our den. People would think we're totally. Patchwork kind of loving, hey, hey. Le poste d'écoute. tortured soul. But it helps you write songs, so off you go. You're singing all about love, but your heart, it's so dark, and that is why. Yourself sad for God knows why. Everyone around you just wants to see you smile. You're telling them all about love, but your heart, it's so dark, and that is why. It's true. Fin. La dissidence d'aujourd'hui, la radio de demain. It's not the state of affairs that's gotten me so low. It's my intuition that you're gonna have to go. Like a mess. You never looked real tidy, but I digress. It's not your appearance that's gotten me so low. It's my intuition, and you're gonna have to go. Saw where I was coming from, and yeah, we're on the same. I think the man's on the run. I've got this feeling, maybe you're no good. Between you and me, I feel like a mess. Used to be so tidy, but I digress. I've got this feeling, it's gotten me so low. It's my intuition, and you're gonna have to go. You saw where I was coming from, and yeah, we're on the same wavelength, and that's all great, but I've got this feeling, maybe you're no good. Like a mess. Between you and me, I look like a mess. Between you and me, I feel like a mess. Between you and me, I feel like a mess. Between you and me, I think we're a mess. Between you and me, I think we're a mess. Au retour, une dernière pièce de Alena Manera dans le Poste Écoute 89.1 FM. You reply, we sava bien, and I know you're quite alright. We'll sit all day in my jawar, pass that wine bottle my way. You are so amigo toe, let's piss the night away. I'm in love. Eshiteruyo, I'm in love with you. We can ride our jitinsha, pedal on down to the store. Some ice cream, we'll eat it on my kitchen floor. Oh, hey, oh, goes a mass. Good morning, I'm in love. Eishiteruyo, I'm in love. love with you. Oh, hey, oh, go say mass. I'm in love with you. Alena Manera avec la pièce Ayo Gozai Masu, précédée de I Think We're a Mess, de Let Her Go, We Fell Apart et Patchwork. Les cinq pièces sont EP. Très bon EP d'ailleurs de la part de Alena Manera qui s'appelle EP Promo. Donc Alena Manera, Pop Folk, myspace.com/AlenaManera. Le band c'est Alena et ses amis. Influence Ben Sebastian, Mira, Locksmith, Lovin' Spoonful et d'autres. Alena fait de la musique pop. Ses amis aiment ça et sa mère aime un peu ça. Donc peut-être que vous aimerez ça aussi, dit-elle sur son MySpace. Les adresses sont sur unechance.com. Comme toujours, c'est sur le site de l'émission, unechance.com. On continue avec Use Every Part of the Deer, qui est la formation avec un album éponyme. Ça a l'air intéressant. Sur la couverture, on voit des tuyaux en spirale et à l'arrière, il y a des parties de je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est fait de métal ou de quelque chose du genre, dans un genre de panier d'épicerie. Assez étrange. Je sais vraiment pas quoi dire de plus que ça. La pochette me rend absolument bouche bée. On va commencer avec la pièce Balm, qui sera suivie de la pièce Sainte Apollonia dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Mais ça, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Et ici, ben, c'est l'émission où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble. Ça fait le tour de la chose pas mal. A place without fear, all the pills that we kick. Is the dropping of work, is the revenant detained at the borders of thinking on the river of the same? It's on multiple tones as a dream time tipped sideways to the gash in the ether. Joan of Arc with no flames. Gwen Stefani's open red mouth, her shiny lips clouded, a hole in the world. How much clear perfume have we to consume for to exit by way of Gwen's open mouth. Le poste d'écoute. St. Apollonia, busted teeth, a broken jaw and naked feet. Your brown skin feeling the breeze so sweet as the cops beat you to the cold concrete. Against the Lord, you cannot speak, your silence making those gathered weep. Unto the fire, your faithful leap for the chastity intact you keep. St. Apollonia, busted teeth, broken jaw and naked feet. Skin receiving the breeze so sweet as the cops beat you to the cold concrete. Against the Lord, you cannot speak, your silence making and those gas weep unto the fire, your faithful leap for the chastity intact you keep. The ashes to become a tooth kept by someone, and all hear of your faith at the good Lord's pearly gates. Through trials you have come, and now there's nothing wrong. You rest your aching face. St. bologna, busted teeth, the broken jaw and naked feet. Your brown skin feeling this breeze so sweet as the cops beat you to the cold concrete. Against the Lord you cannot speak, your silence making those gather weep. Unto the fire your faithful leap for the chastity intact you keep. Saint Apollonia, busted teeth, the broken jaw and naked feet. Your skin receiving the breeze so sweet as the cops hold you to the cold concrete. Against the Lord you cannot speak, your silence making those gathered weep. To the fire your faithful leap for the chastity intact to keep. Spires of paper clips, the saints take theirs in sips. Despite the lurching of the dead on ships to pull them homewards. Times are tough, I hear, have reached even down here. With clocks and plans for saving time, gold glitter in the crosswinds. When it is my time to go, bury me in the earth below, under 10 feet of calm white snow. Bury me in the earth below. Bury me in my uniform, shiny black leather uniform. Got spikes in the gums where the teeth belong. Got spikes in the gums where the teeth belong. Dried with bleached out sands, ropes and bleeding hands, collapsing like the universe got bored. Hey, entropy, come find me. Stunned and overjoyed, oh darling, it's a boy. Respite, disgorge the trailing cord, gold glitter come to blind me. When it is my time to go, bury me in the earth below, on 10 feet of calm white snow. Bury me in the earth below, bury me in my uniform, shiny black leather uniform. Got spikes in the gums where the teeth belong. Got spikes in the gums where the teeth belong. When it is my time to go, bury me in the earth below, on 10 feet of calm white snow. Bury me in the earth below, bury me in my uniform, shiny black leather uniform. Got spikes in the gums where the teeth belong. Spikes in the gums where the teeth belong. Belong. Belong. Belong. C'est flou, bon. Le nid d'un bain, jour après jour, on t'en mauvais pas. Dans vos oreilles, oreilles. The conversation dries up, and you are stuck at sea. Stranded on a sandbar, you better sit very still, 'cause if you rock that boat, you might make things worse. Yeah, like you might put a hole in the bottom of that boat. And then what would you do? So let the water lick up around you, and let the sun beat down upon you, and just enjoy the rest. And eventually your boat will be free, and you'll be on your way again. Free, yeah, your boat might just come free. But what if it doesn't? What if it can't? What if you wait too long? and the sun starts going down, and your people on the shore give up, move on. Opportunity knocks, but no one is around to answer. Well, you better get on out of that boat and see what you can do. Can you push it free and hop back in? You might get your feet wet, make it wobble like a son of a bitch. But at least your boat will be free, and you'll be on your way again. Free. Your heart might be thumping, but you will be free. But when you push, it might be a disaster. You might capsize the whole damn thing. Lose your camera and the book you brought to read, and that chocolate for emergencies. Well, yeah, you could swear and scream, tear out your hair and cry, cry, cry. Throw yourself on that sandbar and quit, and let your life just pass you by. Or it might be time to swim, swim, swim, swim to some unknown shore. Swim, swim, swim, swim. You never made yourself do this before. Swim, swim, swim, swim. Yeah, your body will get sore, but swim, swim, swim, swim. You can always find another boat, life jacket and oars, and that Labatt Blue cooler that you won 8 years before. Maybe now is the time that you could leave it behind. 'Cause now's the time to swim, swim, swim, swim to some unknown shore. Swim, swim, swim, swim. Freedom's just another word for swim, swim, swim, swim. You don't know where you'll end up at. Swim, swim, swim, swim. When you get there, you'll be stronger. Swim, swim, swim, swim than you were before. So swim, swim, swim, swim. Don't even think of sinking. You got to swim, swim, swim, swim. La pièce Sandbar de la formation Use Every Part of the Deer, c'était précédé de Things Will Get Better, de Saint Apollonia et de Balm. C'est les quatre premières pièces, celles qui ouvrent cet album de la formation Use Every Part of the Deer. Disons que je ne m'attendais pas à ce genre de musique-là. Swim, swim, swim, swim, avec un album qui avait des morceaux de d'automobile, je crois. En tout cas, je vais deviner que c'est ça, dans une genre de cour à scrap. Donc, Use Every Part of the Deer, un groupe de folk gospel minimaliste de Ottawa, en Ontario. Les membres sont Susanna Wings, Matt McLennan et Sean Pauls. Leur site web est au myspace.com/useeverypartofthedeer ou encore grumpycloud.com. Les liens sont sur le site de l'émission au www.unechance.com. Ils sont basés à Ottawa, oui. Death Roots, qu'ils disent. Death Roots, d'accord. Maintenant, on passe à un disque que j'aurais certainement pas fait jouer si ça n'avait pas été du fait qu'on n'a pas reçu tant de nouveaux textes cette semaine. Semaine un petit peu calme dans le sens qu'on n'a pas reçu une grosse pile de CD. Donc, on va entendre du rap. C'est la formation Blunt Heads avec leur album Real Fam. Et question d'être juste, je vais faire jouer la musique avant et je vais parler du groupe après. Tu sais, ça vous dérange pas trop. Donc, les voici avec l'intro suivi de Un peu d'ammoniaque dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble au 89.1 FM. La radio complète. De toi, Blunt Heads. No doubt, no doubt. Les gars sont venus, man. Yeah. Oh, boy, boy. Blunt Heads, man. Yeah. Trois doux, une famille, une ancienne. Yeah, yeah, vas-y, fuck it down. Vas-y, fuck it down. Toujours live, moi. Live. No doubt, bro. Yo. Yeah. On a commencé à spit, moi pis le big brother. On a fait nos shit wrong avant le gars c'était le brother. Le cousin flic a toujours sleep chez la masse. Sur le clic t'es déjà fait, blonde head, sac de la pierre. Fuck qu'est-ce t'entends, c'est dans le mic qui part. Ta bouche je la sois, je la retourne par la malle. Reste proche, de la job, si tu veux floss au lieu de boss. Fini le stress pour ton corps, si t'es le best dans ton poste. Ton boîtier bien relax, même tes petits. Plus que moi, moon, plus que me commencer, bingo, la moon. Bien des stress, ma plume, elle est bon, t'es ma déguisant. Qu'on aime son bois, qui cavait bien intelligent. Ou indulgent, ou fréquent, sauf les batailles, quand t'es soudain. Va plus un gun down pendant ce temps pour faire l'argent. Ouais, mais c'est sous banal, quand t'aimes tes voix dans le journal. Y'a des moons qui top, et y'a des moons qui apprennent. C'est pour la haine, c'est pour la haine. Come on! Quitte un petit blood head, un step back. Je vois que tu tues bitch, yeah. J'suis low key comme un stack. J'laisse pas tomber les heads qui bénéficient de mon squad. Mais là dans ton top 5, blood head, faut que tu l'aides. C'est pas du talk shit, le time faut que tu laisses quoi. J'te frappe coup de grab, même effet que le red wine. J'casse des coups breezy que le bloody wine. Ma richesse c'est blood head, c'est dans le mic qu'on shine. Moi j'ai plus guitare sur le baby blood head. On a déjà dit fuck around, t'es just dead. Back pour le real fam. Put him up, le real fan. Put him up, bossy plus guitare pour le baby blockhead. On a déjà dit, fuck around, t'es just dead. Back pour le real fan. Put him up, le real fan. Put him up, tu work au bureau de Belle, puis tu te la racontes à moi. Je pense que c'est calme, approche, te lève mon toit. Pas capable de feel sans que tu hate, fait que tu hate. T'as jamais bourré une bitch pendant un date, fait que tu shame. Quand tu vois les vrais, ça se voit que ça te fait peur. Tu te mets en offensive, tu t'excites comme ta soeur. Bloodhead, c'est back, j'ai que tu l'as comme down. Tu veux que tu fais les tracks, en plus les tiens, les chlèves. Posting feu, j'back mon frère, puis j'kill toutes vos mères. J'vous maltraite comme le motherfucking dirty snare. Just stick up, motherfuck, mais c'est vos lives que j'freeze. Après que j'vous ai tout fuck up, vous allez m'beg avec please. Y'a t'as des shit qui me tapent ses nerfs, mais ça ferait mieux de pas être vrai. Y'a pas une manière de vous beat up, tu peux regarder si j'dis vrai. J'vous construis, j'vous détruis, j'vous mets en miettes, puis j'oublie. Les fuck avec mon clip B.E.C. Beef à vie. What? Pendant que j'étais dans le jet, j'ai entendu des snake moves. Que tu m'en crash avec les wrong dudes. Quand j'talk, j'fais l'effet d'un 12. J'sors bien compact, j'dérange nos distances, bouge. C'est comme un summit au coup de gunshot move. Mon clic est trop quick, laisse tomber ton dinan juice rouge. Tu fais que mon cash, parce que je connais mon cash rouge. Demande à time, c'est pas voir qui roule. Blondhead, c'est time pour le baby blondhead. On a déjà dit fuck around, t'es just dead. Back pour le real fam. Put him up, le real fan. Put him up. Bossy plus guitare pour le baby blondhead. On a déjà dit fuck around, t'es just dead. Back pour le real fan. Pull him up, yeah. Le real fan. Pull him up, yeah. Bossy plus guitare pour le baby blondhead, yeah. Ouais. On a déjà dit fuck around, t'es just dead. Back pour les real fans. Pull him up, pull him up. Le real fan. Pull him up. Parce que Bossy plus guitare pour le baby blondhead. On a déjà dit fuck around, t'es just dead. C'est l'autre mot qui est pas ça. C'est blanc, yo, y'a des mounes qui l'ont, qui appellent pas les caca, ils ont les bouffins. Des quoi y'a fucked up, pas les chavons. Ou bien gap, ou bien plus que ça, c'est grand mon moyen. Respectez l'homme, respectez nous. Tout le monde qui n'a crume, c'est famille. Quand y'a un touch one, ou touch tout le monde. Ou pas les web, parce que ma propre random. Même si on est au clip, il les fucking bundam. Yo, toutes les boys sont just dumb. Ton dumb, man. Passa, man. Sous ma passe, yeah. Yeah. It's a blondhead, you know. Pour le baby blondhead. Yeah, what's good, what's good. What's fuck really good. Fuck around, they're just dead. Sure. Le poste d'écoute. 2-0 20 deep. Blunt heads. Funk town. Eastside. L.A. SF. Slimo. Back for the first time, toi appelle-moi Ludacris. Everyday, je walk dans la street, ça descend tournavis. À certains, je donne la main, d'autres, je donne le fils. J'aurais bien voulu être père, mais je veux juste un fils. Dans mon bloc, on cook des rocks, easily come to baking. Tu devrais voir ça, un style de history in the making. On est comme Rick Ross, everyday we hustle. Fabulous, mets ton con, passe la nuit, même si l'été c'est cold. Au lieu de droguer ta femme, tu serais mieux de droguer les pauvres. Au lieu de fumer du crack, tu serais mieux de sniffer de la coke. Puis au lieu de tirer tes poils, tu serais mieux de tirer les autres. La première fois que j'ai eu un gun, c'était pour blé. Aujourd'hui on les teste, faut pas qu'on se fasse blé. Fuck around, be loose, comme une bitch, pas de pimp. Mets des bacs au prochain stop, tu vas cry, make spring. Un peu d'ammoniac, je te coque un good crack. Un peu d'ammoniac, je te coque un good crack. BBT Records, motherfucking good track. BBT Records, curse. Un peu fucking good crack. Un peu d'ammoniaque, je te coque un good crack. Un peu d'ammoniaque, je te coque un good crack. BBT Records, motherfucking good track. BBT Records, motherfucking good track. 1, 2, 3 fois 3, c'est pas un calcul mathématique. C'est un 9 mm collé à ma hanche comme la statique. Get drunk, get high, ça c'est du pop music. Appelle-moi Nike, cause I just do it. Sauver mes arrières, j'ai la tête d'un hibou. Place un red dot dans ton front, on aurait dit un hindou. Sous ton white tee comme le drapeau du Japon. Speed 6 sur le mic, hot bitch. Le best in quality, tu sais, yeah. Bibi Blanc c'est family. J'étais just locked up, là j'double up my money. Pick up à mes homies, come again c'est pour me. Any kind of way, faut que j't'aille viral des filles. Batterie tous mes ennemis, si j'en ai c'est fini. J'suis juste devenu plus froid, puis en plus j'ai rendu crazy. Dans qui sont fous, story, Villa Marimane. Prends bien le bal du beat, sans te rendre compte qu'il y a plus que tips. Un peu d'ammoniaque, j'te coque un good crack. Un peu d'ammoniaque, j'te coque un good crack. BBT Records, motherfucking good track. BBT Records, motherfucking good track. Un peu d'ammoniaque, j'te coque un good crack. Un peu d'ammoniaque, j'te coque un good crack. BBT Records, motherfucking good track. BBT Records, motherfucking good track. Vicky Chrome, ton shit, loud bar for pound. Plus time for town, Philippe me new sound. Les necks c'est plus que 6 foot deep, it's 20 deep. Okay. Nos shit sont fly, avec les heads high. Trop in too deep, quand stop ton heartbeat. Celle-y qui pousse ton stomach back on feet. Don't stay alive, sous sweat Big pour un beat. The head shine sous toutes les fucking beats. J'ai la tête entre les deux épaules, j'marche comme il faut. Ici mes pants sag, c'est les liasses dans la poche de gauche. J'mange vraiment bien, mon ventre il est vraiment plein. Et si tu me cherches, j'ai des bombes comme un taliban. On parlera pas des handguns, j'ai une collection. Mets les armes dans une base, libre accès pour le régiment. Je recrue les gouttes, j'fais qu'est-ce que j'ai à faire. Tu décèdes si tu mets ton nez dans mes affaires. Un peu d'ammoniaque, j'te coque un good crack. Un peu d'ammoniaque, j'te coque un good crack. BBT Records, motherfucking good track. BBT Records, motherfucking good track. Un peu d'ammoniaque, j'te coque un good crack. Un peu d'ammoniaque, j'te coque un good crack. BBT Records, motherfucking good track. BBT Records, motherfucking good track. Ah, écoutez, c'est fou depuis 10 ans. Bon, qui est le capané? Caba? Capagien? Scoff! Scoff! Scoff ou bouse? Bitch en sourdine, tout n'est que ça yo? Passa! Passa! Passa à neuillé! Rien bateau 45 pieds, pas qu'un deux gouttes pour n'acheter un bac en pain. Sam Capino, mon cher, welcome to Chabalin. Ou gen gat, pas gen bad, welcome to Chabalin. Ou gen se nan jod, welcome to Chabalin. What are you fucking bro, welcome to Chabalin. Yes, men passa, welcome to Chabalin. Sa ka fait nous pas la donne, welcome to Chabalin. Tout le monde a dit, welcome to Chabalin. MTR, Zilio, Broad, welcome to Chabalin. Welcome to Chabalin. Welcome to Chabalin. Welcome where you live. Ou quoi ma believe. So next thing you know, right là pral hang. Big things à one, il consiste. Depuis mini barrette, 9 gang bang. Une heure pour moyen, deux pour fait casser. Si pour appeler, ou pas pour l'allemand. Deux moins fois un, moun ça c'est moins. So next thing you know, pap get it moins. Ok boy, from to trap. Talk this, talk that, stick to brass. Big, pourtant tu shake shit. So I assez comment tu files. Quand ton click talk shit. Pendant mon staff run a massive shit. Comment donc, ouvre ton troisième et file. On vit tout dans Chabalin, mais mon click keep it real. J'ai pas vraiment des shit wrong. J'suis au bout du deal et shit ton pire. Boy, yo, j'suis dans sous toute la ligne. Ou gang gat, pas get bad, welcome to Chabalin. Ou gang c'est not judge, welcome to Chabalin. What are you fucking bro, welcome to Chabalin. Yes, men passa, welcome to Chabalin. Ça qu'a fait nous pas la donne, welcome to Chabalin. Tout le monde a dit, welcome to Chabalin. MTR, Zilio, Broad, welcome to Chabalin. Welcome to Chabalin, yeah. Welcome to Chabalin. Welcome to Chabalin, bitch. Si c'est riche, pas de laine, même plus qu'au fig hand. Ça toque 24, mais ça pas de couche pour leurs fesses. Ça fait des moves weird comme un pouce avec des tresses. Big blonde head, shit tu recognize. Moi j'ouvre pas juste ma gueule quand j'pense toi le sky. Stéphane Hood pis tout le cash qu'on stack dans nos basements. J'vois j'ma baby mom, ta pimp pis ta basement. Fort shit comme si ton père c'était le père. Pis ta mère Elisabeth, yeah bitch talk trash. J'coupe pas juste des sushis, j'peux cook ton ass homie. Zorro le note de blonde pis amène ta chicks aussi. Oui, ok, okidoki. J'ai la grosse grosse fucked up pis faut show on get busy. So pray pour ton life, ou tu talk grand sissi. T'es king dans ton hood, yeah bitch ici. Ou t'es gâte pas get bad, welcome to Shabalan. Ou gang c'est not judge, welcome to Shabalan. What are you fucking bro, welcome to Shabalan. Yes, men pour sort, welcome to Shabalan. Ça qu'a fait nous pas la donne, welcome to Shabalan. Tout mon abdi, welcome to Shabalan. MTR, Dilly of what, welcome to Shabalan. Welcome to Shabalan, welcome to Shabalan. Chaque fois j'chill en banlieue, faut j'me spike de gros les deux yeux. Blondhead, mais plein de bitch, j'parle caca. J'marque que j'ai grandi dans l'fla-fla. Blondhead, chaque fois j'chill en banlieue, faut j'me spike de gros les deux yeux. Blondhead, mais plein de bitch, j'parle caca. J'marque que j'ai grandi dans l'fla-fla. Call it guns, motherfuckers. Yeah, freaky freak, motherfuckers. Shit, hey. Big boss, motherfuckers. Blondhead. Rough check session. Blondhead. Number two, bitch, bitch. On parle souvent de télé et de films qui, tu sais, qui parlent de caca tout le temps, tu sais, hein? Scatologique. Ça, c'est de la musique qui parle de caca et de pipi. C'est bien. Donc, il y a la musique de Bloodheads. Et là, je suis pas dans la business de parler contre des artistes ou de la musique. Là. Je veux dire, c'est un style. C'est pas parce que moi, j'aime pas ça que vous aimez pas ça. Mais je vais lire le début de la biographie. Pour ceux qui se demandent d'où sort Bloodheads, Buzzy Boy a fondé le groupe en 97 avec ses acolytes de Time et Freaky. Il y a déjà un bon bout de temps que le nom se promène, mais l'entrée de Time en prison a retardé le collectif avec raison. Et là, les gens se sont tous réunis. Les rappeurs n'attendaient pas. Le projet de mixtape est engagé. Les boys se mettent à l'œuvre. Résultat, un street tape professionnel. Reste à savoir si l'est sur tous les points. Donc, Bloodheads avec Real Femme, c'est le nom de leur album. Allez voir lunechance.com pour le lien vers le MySpace de l'étiquette qui a édité ce disque de Bloodheads. Voilà. Ça fait le tour pour ça. Pas mon style, pas du tout, mais on en a passé quand même. C'est la fin du poste d'écoute pour cette semaine, donc on nomme le poste d'or comme à chaque semaine. Cette semaine, ben, c'est Chinatown avec l'amour, le rêve et le whisky. D'ailleurs, on va se quitter avec une reprise de la troisième pièce parce que c'est comme ça, ça me tente de la réentendre. C'est Tour Assassin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, les vendredis matin à 10h, on rappelle, les samedis à 13h et les lundis à 17h. C'est toujours le poste d'écoute et on découvre les nouveautés musicales tous ensemble. Moi, je vous vois aussi à la connexion et puis au palmarès, c'est fou. Donc, de la part de toute l'équipe fictive, faites attention à vos genoux, bonne semaine, bonne chance, plantez-vous pas, retrouvez-vous pas en prison, là, tu sais? Non. Fantôme est là, réveillé sous mon spleen, clôturé dans